Chapitre 4. Comment on s'en prend à de faux objets, faute de pouvoir s'en prendre aux vrais. 1. Un de nos gentilshommes, gravement éprouvé par la goutte, et à qui les médecins voulaient interdire absolument de manger des viandes salées, leur répondit en plaisantant qu'il voulait savoir à quoi s'en prendre pour les tourments et souffrances qu'il endurait, et que, incriminant et maudissant tantôt le cervelas, tantôt la langue de bœuf ou le jambon, il se sentait en quelque sorte soulagé. Et de fait, de même que nous ressentons une douleur si le bras que nous levons pour frapper ne rencontre rien et frappe dans le vide, de même que pour être agréable, un panorama ne doit pas laisser la vue se perdre au loin ou se disperser dans le vague, mais au contraire doit lui offrir quelque chose sur quoi buter et qui la soutienne à distance raisonnable, de même que le vent, si d'épaisses forêts n'y font obstacle, se dissipe dans le vide. Lucain 6, 20. De même, il semble que l'esprit, ébranlé, agité, se perd en lui-même si on ne lui offre une prise. Il faut lui fournir quelque chose sur quoi il puisse s'appuyer et s'exercer. 2. Plutarque dit à propos de ceux qui s'entichent des guenons ou autres petits chiens que la partie amoureuse qui est en nous, faute d'objet légitime sur lequel se porter, et plutôt que de demeurer inemployée, s'en forge un autre, déplacé et frivole. Et nous constatons aussi que l'esprit se trompe lui-même dans ses passions, en se construisant des objets imaginaires et fantastiques, même contraires à ses propres croyances, plutôt que n'avoir rien contre quoi se dresser. 3. Ainsi, leur rage conduit-elle les bêtes à s'attaquer à la pierre ou au fer qui les a blessées et à se venger sur elles-mêmes à belles dents de la douleur qu'elles éprouvent. L'ours de Pannonie devient plus féroce quand le Libyen lui décoche son javelot à la mince courroie. Elle se roule sur sa blessure et, furieuse, cherche à mordre le trait qu'elle a reçu et s'en prend au fer qui tourne avec elle. Lucain 6, 220. 4. Quelle cause n'inventons-nous pas au malheur qui nous arrive? À quoi ne nous en prenons-nous pas, à tort ou à raison, pour avoir quelque chose contre quoi nous battre? Ce ne sont pas ces tresses blondes que tu arraches, ni la blancheur de cette poitrine que dans ton chagrin tu frappes si cruellement, qui ont perdu ce frère bien-aimé en lui envoyant un plomb funeste. Ce n'est pas à cela qu'il faut en prendre. 5. Tite-Live, parlant de l'armée d'Espagne, après la perte de deux frères qui étaient ses grands capitaines, tous aussitôt de pleurer et de se frapper la tête. Tite-Live, 25-37. C'est un usage courant. Le philosophe Billon, de ce roi qui s'arrachait les cheveux en signe de deuil, disait plaisamment « Pense-t-il que la pelade atténue la peine? Qui n'a vu un joueur mâcher et avaler ses cartes ou avaler un cornet de dés pour se venger sur eux de la perte de son argent ?» 6. Xerxès fouetta la mer et écrivit une lettre de défi au mont Athos. Cyrus occupa toute une armée durant plusieurs jours à se venger de la rivière Gindus, à cause de la peur qu'il avait éprouvée en la traversant. Et Caligula fit détruire une très belle maison à cause du plaisir que sa mère y avait eu. 7. Dans ma jeunesse, le peuple disait qu'un roi de nos voisins, ayant reçu de Dieu une correction, jura de s'en venger. Il défendit de lui adresser des prières durant 10 ans, de parler de lui, et pour autant que cela était en son pouvoir, de croire en lui. On voulait montrer par là, moins que la sottise, mais la gloriole naturelle dans la nation en question. Ce sont là des défauts qui vont toujours ensemble, mais de telles attitudes relèvent, à la vérité, encore plus de l'outrecuidance que de la bêtise. 8. César Auguste, ayant subi une tempête en mer, se mit à défier le dieu Neptune, et lors de la cérémonie d'ouverture des jeux du cirque, fit ôter son image d'entre celles des dieux pour se venger de lui. En quoi il est encore moins excusable que les précédents, et moins qu'il ne le fut depuis, lorsque Quintilius Varus, ayant perdu une bataille en Allemagne, il se tapait la tête contre la muraille, de colère et de désespoir, en criant « Varus, rends-moi mes soldats !» Car ceux qui s'en prennent à Dieu lui-même ou au destin, comme si ce dernier avait des oreilles susceptibles d'entendre nos plaintes, vont au-delà de la folie ordinaire car ils joignent l'impiété à leurs actes. 9. Ainsi font les thraces qui, quand il tonne ou qu'il fait des éclairs, se mettent à tirer leurs flèches contre le ciel, comme pour ramener Dieu à la raison, en une attitude de vengeance digne des titans. Or, comme le dit ce poète ancien cité par Plutarque, ne nous fâchons pas contre les événements, ils n'ont cure de nos colères. Mais nous ne serons jamais assez sévères contre les dérèglements de notre esprit. Chapitre 5. Le chef d'une place assiégée doit-il sortir pour parlementer ? 1. Lucius Marcius, légat des Romains, pendant la guerre contre Persée, roi de Macédoine, voulant gagner le temps qui lui était nécessaire pour achever de mettre son armée au point, formula des propositions en vue d'un accord. Le roi s'y laissa prendre et lui accorda une trêve de quelques jours, fournissant ainsi à son ennemi l'occasion et la possibilité de s'armer, causant ainsi en fin de compte sa propre ruine. 2. Les vieux sénateurs, se souvenant des mœurs de leur père, dénoncèrent cette pratique comme contraire à leur ancienne tradition. Elle consistait, disaient-ils, à combattre avec courage, et non par la ruse, ni par surprise ou embuscade nocturne, fuites simulées et contre-attaques inopinées. À n'entreprendre une guerre qu'après l'avoir déclarée et avoir souvent assigné l'heure et le lieu de la bataille. 3. C'est dans le même esprit qu'ils renvoyèrent à Pyrrhus son traître médecin, et au Falisque leur déloyal maître d'école. C'étaient là les formes vraiment romaines, non celles de la subtilité grecque ou l'astuce punique, pour lesquelles la victoire obtenue par la force est moins glorieuse que celle obtenue par la fraude. 4. La tromperie peut être utile sur le moment, mais seul se tient pour vaincu celui qui sait l'avoir été, non par la ruse ou la malchance, mais par la vaillance, troupe contre troupe, en une guerre loyale et régulière. On voit bien par les propos de ces gens estimables qu'ils n'avaient pas encore admis cette belle maxime, ruse ou courage, qu'importe, contre un ennemi. Virgile 2, 390. 5. Les Achéens, dit Polybe, détestaient l'emploi de la ruse dans leur guerre, ne se considérant comme victorieux que lorsque les ennemis n'avaient plus le cœur à se battre. Que l'homme vénérable et sage sache que la vraie victoire est celle que l'on obtient sans manquer ni à la loyauté ni à l'honneur. Justel ipse 5, 17. Et un autre dit, si c'est à vous ou à moi que le sort réserve le trône, que notre courage le montre. Ennius, dans Cicéron 1, 12. 6. Au royaume de Ternate, parmi ces nations que nous appelons si facilement barbares, la coutume est de ne pas entreprendre de guerre avant de l'avoir proclamée. Ils y ajoutent même tous les détails sur les moyens qu'ils comptent y employer, le nombre des combattants, les munitions, les armes offensives et défensives. Mais cela fait, ils se donnent le droit de se servir dans leur guerre, et sans encourir de reproches de tout ce qui peut les aider à vaincre. 7. Les anciens Florentins étaient si éloignés de l'idée de prendre l'avantage sur leurs ennemis par surprise qu'ils les avertissaient un mois avant de mettre leur armée en campagne, en faisant continuellement sonner une cloche qu'ils appelaient Martinella. 8. Quant à nous, moins scrupuleux, qui attribuons les honneurs de la guerre à celui qui en tire profit, et qui, après Lysandre, disons que si la peau du lion ne peut suffire, il faut y coudre un morceau de sel du renard, les occasions de surprise les plus courantes dérivent de cette pratique. Et nous disons qu'il n'est pas d'heure où un chef doit avoir plus l'œil aux aguets que lors des traités et des pourparlers. C'est la raison pour laquelle tous les hommes de guerre de notre temps vous le diront, il ne faut jamais que le gouverneur d'une place assiégée sorte lui-même pour parlementer. 9. Du temps de nos pères, cela fut reproché au seigneur de Montmort et de Lassigny, qui défendait Mousson contre le comte de Nassau. Mais à ce compte-là, celui qui sortirait de façon à ce que la sécurité et l'avantage demeurent de son côté serait excusable. C'est ce que fit, en la ville de Régé, le comte Guy de Rangon, s'il faut en croire du Bellay, car Guichardin dit que ce fut lui-même, quand le seigneur de l'Escu s'en approcha pour parlementer, il s'éloigna si peu de son fort qu'une échauffourée se produisit pendant les pourparlers. Non seulement Alexandre de Trivulus y fut tué, mais M. de Lescut se trouva à voir le dessous avec la troupe qu'il avait suivie et fut contraint, pour plus de sécurité, de suivre le comte et de se mettre à l'abri, sur sa parole, à l'intérieur de la ville. 10. Eumène, dans la ville de Nora, était assiégé par Antigonos. Ce dernier insistait pour qu'il sortît lui parler, alléguant que c'était normal, puisque lui, Antigonos, était le plus grand et le plus fort. Eumène lui fit cette noble réponse : « Je n'estimerai jamais qu'il y a un homme plus grand que moi tant que j'aurai mon épée sous la main. » Il n'y consentit que quand Antigonos lui eut donné son neveu Ptolémée en otage, comme il le demandait. 11. Il en est pourtant qui se sont bien trouvés de sortir parce que l'assaillant leur avait donné sa parole. Ainsi Henri de Vaux, chevalier champenois, lorsqu'il était assiégé dans le château de Commercy par les Anglais. Barthélemy de Bonne, qui dirigeait le siège, ayant fait saper de l'extérieur la plus grande partie du château, de sorte qu'il ne restait plus qu'à mettre le feu pour écraser les assiégés sous les décombres, somma le dit Henri de sortir parlementer dans son propre intérêt, ce qu'il fit avec 3 autres. Sa ruine inéluctable lui ayant été mise devant les yeux, il se sentit du coup extrêmement redevable envers son ennemi et se rendit donc à sa discrétion avec sa troupe. À la suite de quoi, le feu ayant été mis et les étançons de bois venant à céder, le château s'effondra de fond en comble. 12. Je me fie aisément à la parole d'autrui. Mais je le ferais malaisément si je devais par là donner à penser que je le fais par désespoir ou par manque de courage, plutôt que librement et par confiance en sa loyauté. Fin du livre 1, chapitre 1 à 5. Enregistré par Christiane Johanne.